بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فنازل الحديث مع إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع دعوته. Continuons notre discussion autour du sujet de Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'imam du monothéisme par excellence, et autour de la da'wah de Ibrahim alayhi salatu wassalam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadhihi al harakat al da'wiyya al mawjuda 'ala al saha, kataba ba'dhuhum 'an manhaj al anbiya في الدعوة إلى الله، وصور للناس منهج الأنبياء بأن كل نبي كانت دعوته مع قومه دعوة سياسية ثورية، وهذا كلام باطل لا أصل له ولا دليل عليه. إنما تمكن من هذا الكاتب همه وأحلامه بالسلطة، الرجل يحلم بالسلطة، فالاحلام ديالو تمكنت منه فاصدر هذاك الكتاب وافترى على انبياء الله عز وجل. فبدا يكيف دعوه الانبياء على انها دعوه عيشيه، دعوه انقلابيه، دعوه ثوريه، وعلى ان الانبياء ملأوا الدنيا بالفتن والثورات، وحاشا انبياء الله عز وجل، وحاشا دعواتهم، وعلى ان انبياء ملأوا الدنيا بالتهييج، وهذه طبعا ليس من منهج الأنبياء في شيء. فهذه من الشبه التي يثيرها هؤلاء ولا بد من تفنيدها. وهذه الشبهة يثيرونها من الموقف الذي حطم فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام، واتخذوا من هذا الموقف سبيلا وذريعة إلى قولهم بتغيير المنكر باليد. وأجابهم أهل العلم الربانيون في كلام كثير على أن هذا حجة عليهم، فعل إبراهيم حجة عليهم وليس لهم. الله عز وجل dans les mouvements qui existent maintenant sur le terrain, ces activistes musulmans, certains parmi eux ont écrit, un parmi eux notamment Sorour Zil Abidine Hala, qui habite à Londres, a écrit un livre dans lequel il décrit la voix de la da'wa du prophète sallam, comme quoi il a donné une image du prophète sallam et de leur da'wa, comme quoi ce sont des révolutionnaires et des hommes politiques, et que leur da'wa c'est une da'wa politique. Et évidemment, cette parole n'a aucun fondement, il n'a aucune preuve. Mais cet homme, qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi, à écrire ainsi? C'est que l'homme rêve d'avoir un pouvoir, d'être à la tête d'un État. Donc ça l'a poussé, ça lui a fait imaginer, son shaitan lui a fait imaginer, à décrire chaque prophète, alayhi salatu wassalam, comme quoi le prophète, il est venu avec une révolution et à prendre le pouvoir. Et il a décrit la da'wah des messagers, alayhi salatu wassalam, comme une da'wah qui incite à la haine, qui incite à la révolte, qui incite au sang. Et qui incite à la perturbation et à l'anarchie. Et ceci est faux. Ceci ne fait pas partie de la da'wa du prophète ou rien. Cette ambiguïté qu'on propage ces gens-là, les sonoris, les khotbis et autres, qui existent sur le terrain, il est obligatoire qu'il faut l'anéantir, cette ambiguïté. Et cette ambiguïté, il a le point de départ de cette ambiguïté qu'ils jettent dans l'esprit de la jeunesse, ils le prennent pas de leur point de départ de la scène qu'avait fait Ibrahim alayhi salam au moment où il a détruit les statues. Ils disent Ibrahim alayhi salam a détruit les statues, donc il n'y a pas de problème de changer le mal avec les mains. Et les hommes de science leur ont répliqué et ils leur ont montré que cet acte d'Ibrahim alayhi salam est un acte contre eux, il n'est pas une preuve pour eux. فإبراهيم كما مر معنا لما كسر الأصنام نعم كسرها ولكن كما قلنا البارحة تصور أنت إنسان تمكن من كسر مجموعة من زجاجة الخمر وضمن هذه المجموعة زجاجة كبيرة فيها كمية خمر كثيرة فبماذا سيبدأ؟ بالصغيرة بالزجاجة الصغيرة بالكبيرة لا شك أن العاقل سيبدأ بالزجاجة الكبيرة عاد يأتي إلى الصغيرة ولكن إبراهيم لم يفعل هذا فلو كان غرض إبراهيم إنكار المنكر هكذا لبدأ بالأصنام الصغيرة وكسرها وأتبعها الكبيرة ولكن لم يفعل لكسر الكبيرة هي الأولى واتبعها بالصغيرة ولكنه ترك الكبير وكسر الصغير فلو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من باب تغيير المنكر باليد كما يزعم هؤلاء الحركيون لبدأ عليه الصلاة والسلام بالصنم الأكبر واتبعه بالأصغر بالصغرى لكن كما جاء في القرآن جعلهم جدادا إلا كبيرهم فترك الكبير عليه الصلاة والسلام فلما الله عز وجل يبدو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكس الاستجو imaginez que quelqu'un comme je le répète nous l'avons il est passé avec nous hier que quelqu'un veut changer un mal et s'y retrouver devant un terrain il y a beaucoup de vin beaucoup de bouteilles de vin mais il y a une énorme bouteille de vin qui fait peut-être 2 mètres ou 3 mètres. Quand il vient pour changer cette situation, pour casser les bouteilles de vin, il va commencer avec les petites, il est avec la grande. Celui qui est doué de raison, il va commencer avec la grande et après il va aller aux petites. Ibrahim alayhissalam ne voulait pas blâmer le mal, blâmer ce mal. S'il le voulait, il aurait cassé la grande statue et après il serait passé aux petites. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a cassé les petites, il a laissé la grande. Et l'acte de Ibrahim alayhissalam ne fait pas partie d'un acte qui veut changer le mal. Comme le font passer les activistes musulmans. Sinon, il aurait commencé par la plus grande statue. Et comme il est dit dans le Coran, il est arrivé, il a rendu en miettes les statues. Et il a laissé le grand. وقوم إبراهيم لما عرفوا أن إبراهيم هو الذي فعل ذلك جاءوا به على أعين الناس وقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم فقال لهم فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون سؤلهم الذي يتكلموا ماذا يريد إبراهيم بهذا يريد أن يكسر الأصنام التي في قلوبهم لا يريد أن يكسر الأصنام المعنوية هذه ولكن يريد أن يكسر الأصنام المعنوية لا المادية يريد أن يكسر تعلقهم بغير الله سبحانه وتعالى هذا مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام et quand le peuple d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام a su que Ibrahim a cassé les statues ils l'ont ramené devant tout le monde qui a fait ça pour eux qui a fait ceci de notre divinité C'est leur grand qui l'a fait. Demandez-leur s'ils parlent. Il est en train d'attirer leur attention. Regardez ce que vous adorez. Ça ne parle pas. Ça ne peut rien pour elle-même. Donc, en agissant ainsi, Ibrahim, il veut quelque chose. Il veut casser les statues symboliques qu'il y a dans leur cœur. Le rattachement, il veut le casser. Le rattachement, l'attachement de leur cœur vis-à-vis de ces statues. Ça n'intéresse pas. Le but, ce n'est pas les statues qu'il a rendues en miettes, mais c'est de sortir ces statues, l'attachement qu'ils ont vis-à-vis de ces statues, et de le sortir de leur cœur. Et qu'ils prennent conscience que ces statues ne peuvent rien pour elles-mêmes, ils ont été cassés, ils sont rendus en miettes. Comment on peut les prendre comme divinité? Ibrahim yurid ikhraj hadhihi al-aslam min qulubi haula'i al-qawm. Yurid an yuqim 'alayhim al-hujja wa yubayyin lahum anna hadhihi al-aslam la tanfa'u nafsaha fa kayfa tanfa'u la tasma' wa la tadur fa kayfa ya'budunaha idha kanat la tastati'u shay'an li nafsiha. ولا تستطيع أن أشرح لكم ما فعل بها هذا فكيف تعبدونها؟ هذا الذي يريده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليس من باب إنكار منكر باليد كما يقول هؤلاء الحركيون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام comme l'ont expliqué les hommes de science veut faire sortir les statues du cœur des gens. Son peuple qui adore les statues, il veut les détacher leur cœur de l'adoration de ces statues. Il veut accomplir la preuve contre son peuple et leur montrer que ces statues qu'ils adorent ne peuvent rien, puisqu'ils ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Elles-mêmes ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas dire qui les a cassés. Pourquoi vous les adorez? C'est le but d'Ibrahim, alayhi sallam. Ils n'ont pas changé le mal avec la main, comme le font passer ces activistes. « Walidalika qala li walidihi alayhi sallam, ya abati » لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لما تعبد لا تعبد لما تسمع فيه وقال لهم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر أتعبدون من لا يستطيع النطق وفي الآيات أن الله عز وجل سميع وبصير الآيات في القرآن تنبئك وتخبرك بأن الله سميع بصير وأن الله عز وجل يتكلم ليس كمثل هذه الأصنام. فالله عز وجل يتكلم وكلم الله موسى تكليما والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يريد أمرا آخر غير هذا الذي يوهمه هؤلاء الحركيون. دونك C'est pour ça qu'Ibrahim, quand il se trouvait face à son père, il lui a dit, « Père, pourquoi tu adores quelque chose qui n'entend pas et qui ne voit pas, quelque chose qui ne peut rien pour toi ?» Et après, il leur a dit, « Ouf de vous et de ce que vous adorez, en dehors d'Allah, vous adorez des choses qui n'entendent pas et qui ne voient pas. Vous adorez des choses qui ne peuvent même pas parler, qui n'entendent même pas. » Et dans les versets, dit le Coran, il est arrivé comme quoi, Allah se décrit comme quoi, il est voyant, il voit, et comme quoi il entend. Et il est évident que la vue d'Allah et lui d'Allah sied à la grandeur d'Allah. Et il est dans les versets que Allah parle, et qu'il a parlé à Moussa alayhi salam, et que le Coran est la parole d'Allah. Ce n'est pas comme ces statues. Ces statues ne parlent pas. C'est ce que veut leur faire comprendre Adam, Ibrahim alayhi salam. Ils n'ont pas l'ambiguïté des activistes. فَهَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي نَتْلُوهُ بِأَلْسِنَتِنَا وَنَكْتُبُهُ بِأَيْدِينَا وَنَطْبَعُ فِي الْمَصَاحِفِ هُوَ كَلَامُ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ مَخْلُوقًا وَلَيْسَ مَصْنُوعًا فَرَبُّنَا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى عَزَّ وَجَلَّ. Donc ce Coran que nous lisons avec nos langues que nous écrivons, avec nos mains et qui s'imprime dans les imprimeries, etc. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas une créature, ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms et les sublimes attributs. Azza wa jalla. Fa'Ibrahim arada bifi'lihi an yuqim alayhim al-hujja. ونفس الشيء فعله نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة. روى الإمام أحمد بسند صحيح بسند حسن بأن نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء أخذ عليا وكان علي صبي إلى الكعبة في جوف الليل فحمله على كتفه ثم أمره أن يسقط صنما من هذه الأصنام فسقط الصنم وتحطم وفروا في الظلام ويحتج هؤلاء الحركيون بهذه القصة على جواز تغيير المنكر باليد حتى ولو كان الإنسان مستضعفا أي لا قوة له ولا يفكر في العواقب عاقب الأمور فنفس ما قاله أهل العلم في قضية إبراهيم في تحطيم الأصنام نفس الكلام يقولونه في هذه القصة التي وردت عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإبراهيم عليه الصلاة والسلام voulait accomplir une preuve contre son peuple. La même chose notre prophète a fait. Il est rapporté par une chaîne de transmission qui est bonne dans le musnad de l'imam Ahmed qu'un soir, une nuit ténébreuse, le prophète عليه الصلاة والسلام est sorti avec Ali. Alors Ali était un petit enfant, il l'a pris, il l'a mis sur ses épaules, il lui a ordonné de faire tomber une statue du haut de la Kaaba. Il a fait tomber la statue et la statue s'est cassée. Ils se sont sauvés dans la nuit. Cette histoire aussi dans le Mousnad, les activistes la prennent comme preuve pour dire qu'on peut changer le mal avec le mal, même si on est faible, même si on n'a pas de puissance. Qu'il arrive ce qu'il arrive. Et là, les hommes de science qui sont doués de clairvoyance, que l'Allah a comblé d'une science sûre et certaine, et qui va de pair avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, et la voix des prophètes depuis Jérusalem, disent non. Ce qu'a fait Mohammed alayhi salatu salam a la même signification que l'acte avait fait qu'avait fait Mohammed Ibrahim alayhi salatu salam. Depuis Mohammed alayhi salatu salam, dans cette histoire rapportée dans le Mousnad de l'imam Ahmed, voulait aussi attirer l'attention de Quraysh comme quoi c'est quoi ces dieux que vous adorez qui tombent et qui se cassent. C'est pas changer le mal par le mal. C'est quoi ces dieux que vous adorez qui tombent, qui se cassent. Vous adorez quoi dans ces cas-là? Des choses qui ne peuvent rien pour elles-mêmes. Réveillez-vous. فالغرض لم يكن تحطيم تحطيم ولكن الغرض تحطيم تعظيم الذي في القلوب تعظيم الأصنام في القلوب هو الذي أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الذي أراده بفعله محمد عليه الصلاة والسلام أرادوا أن ينبهوا أقوامهم بأن هذه الآلهة التي تكسر لا تستطيع لنفسها شيئا ولا تستطيع أن تمنع الضر عن نفسها فكيف تمنعه عن غيرها دونك لو بوت le fait d'avoir cassé les statues, que ce soit Ibrahim ou là, cet acte rapporté de notre prophète alayhi salatu salam dans le Mousnad. C'est pas de casser la statue elle-même, là, loin de là. C'est de casser là la vénération de ces statues dans le cœur de ceux qui les adorent. Et d'attirer l'attention des associateurs et de les réveiller. Que ce que vous adorez ne peut rien pour lui-même. Comment il peut quelque chose pour vous? C'est lui-même, il ne peut pas se protéger. Et qu'il se casse, et qu'il tombe, et qu'il ne parle pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse? فيجب علينا أن نعي أن دعوة الأنبياء في واد ودعوة الحركيين الإسلاميين في واد آخر. هؤلاء الذين يكفرون حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين دعوتهم في واد ودعوة الأنبياء في واد آخر. فما أحوجنا أن ندرس دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دراسة صحيحة وأن ندرس دعوة الأنبياء دراسة صحيحة ونستفيد منها استفادة صحيحة. فإبراهيم أراد أن يقيم الحجة على قومه لأنهم يعبدون ما يلحتون وما لا ينفعهم ولا يضرهم. Donc, frère Allah Azza wa Jal, il faut que nous comprenions bien, qu'on digère bien la situation, qu'on assimile, que la da'wa des activistes musulmans et ces takfiris qui rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam, il est dans un fleuve. Et la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, il est dans un autre fleuve. La da'wa de ces takfiris et de ceux qui rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam et les hommes de science des pays musulmans, est à l'est. Et la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, il est à l'ouest, à l'opposé. Nous avons besoin d'étudier la da'wa d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons besoin d'étudier une étude authentique, réelle et avenante, nous avons besoin d'étudier les dawa du prophète alayhi salatu wassalam. Et de prendre la leçon comme il se doit. Hein? Et car Ibrahim alayhi salatu wassalam voulait tout simplement accomplir la preuve contre son peuple. Et attirer l'attention que vous êtes en train d'adorer ce que vous sculptez, ce qui ne sert à rien du tout. فما أكثر هذه الأوتار الآن التي تتخذ في بلدان المسلمين من دون الله عز وجل وتعبد من دون الله تشيد الأضرحة على القبور والقباب فوق القبور قبور الأنبياء قبور الصالحين قبور الأولياء وهذه المشاهد والمزارات تكسى بأغلى الأثواب من الديباج والحرير ويذبح لها من دون الله عز وجل ويطيبونها بأغلى العطور ويطوفون حولها كما يطاف بالكعبة كما أنه يقال عن بعضها أنها حش المسكين عياذا بالله وبعضها يطاف حولها قبل أن يتجه إلى بيت الله الحرام في أيام الحج قبل أن يتجه الحاج إلى بيت الله الحرام يجب أن يطوف بها قبل أن يذهب وإلا فحجه ليس بصحيح صلى الله سبحانه وتعالى نعم كما سمعت آخر الإسلام ويتمسح بأركانها كما يتمسح بالحجر الأسود وساحت بعض هذه المشاهد التي بنيت عليها القبور والمعابد تتخذ ساحات كعرفات ومنن في أيام المواسم الخيام تضرب الخيول كذا البيع والشراء أيام كان الناس في عرفة وفي منى وتجتمع الناس ليالي عديدة سبع أيام أربعة أيام أكثر أقل ويقيمون حول هذه الأضرحة أياما وليالي هذا يندر للشيخ هذا يذبح للقبر هذا يأتي بالشموع هذا يدعو الشيخ أن يشفي له والده وولده وهذا يدعوه أن يزوج له البنت وهذا يدعو له أن يبارك له في تجارته وهذا وهذا وفي هذه الآونة الأخيرة في شمال هذا إفريقيا أصبحت مواسم هذه يلتقي فيها الشواذ أي هؤلاء اللوطيون و الرجال الذين يحبون الرجال والنساء التي يحبون اللتان يحبون النساء فيلتقون فيها ويتعارفون فيما بينهم بعلامات يضعونها كالوشم بالحنة يا في الأيدي يا في الأرجل وفي بعض المناطق كانت يسجنون وكذا وكذا من هذه الأمور وقعت لهم أن عرف الأمر وبعض السلطات أخذتهم وأبقت بهم في السجون صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم donc maintenant on regarde dans le monde musulman combien ces mausolées qui se construisent sur des tombes et qu'on adore en dehors de l'Allah Azza wa Jalla ou qu'on associe dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala des mausolées se construisent des coupoles et on embellit l'endroit Et des fois, que ce soit sur, soi-disant, les tombes des prophètes, que ce soit les tombes des vertueux, des montagnes, les oulias, et ainsi de suite. Et ces endroits, ce sont des droits vers lesquels les gens font des pèlerinages. Hein? Et c'est des endroits où, des fois, on couvre le mausolée avec les plus chers tissus qui existent, au niveau de la soie, au niveau des broderies les plus chères, etc. Beaucoup d'argent sur nous. Et on égorge à ces tombes et ceux qui sont dans la tombe, hein, on égorge en leur nom. On leur égorge au lieu d'égorger Allah subhanahu wa ta'ala. Et on embellit ces lieux, on les parfume avec les meilleurs des parfums et les plus chers. Donc certains, on tourne autour de leur tombe comme on tourne autour de la Kaaba. Certains, les gens vont s'essuyer sur les quatre piliers de la tombe. Comment on va s'essuyer de passer sa main sur la pierre noire à la Kaaba. Et certains, on dit d'elle en Afrique du Nord, que ça c'est le pèlerinage du pauvre. Subhanallah. l'associationnisme est devenu le pèlerinage. Hein. Et certains terrains en Afrique du Nord, au moment du Moussem, de la fête annuelle de son mausolée, ça devient comme Arafat ou comme Mina. Les tentes partout, la cavalerie, la fantasia, le commerce, tout. Hada il égorge pour le saint. Hada il va acheter le bouc noir. Hada il égorge. Hada il fait des vœux. Oh, cher, c'est mon fils. Il est guéri. Bah, tu auras ceci. L'autre, c'est ma fille. Ah, Marie, je te ramènerai l'année prochaine, la chamelle. Et ainsi de suite. Les actes qui sont voués à Allah subhanahu wa ta'ala se font pour des temps. Et ces derniers temps, ces dernières années, ces moussels, ces fêtes annuelles de ces saints patrons sont devenues le lieu de rencontre des homosexuels. Et certaines autorités en Afrique du Nord, ces dernières années, leur font la chasse. Ils se reconnaissent en trop avec certaines formes de tatouages au niveau des mains, au niveau des pieds, etc. Quand Allah subhanahu wa ta'ala salam en Afrique. فالحاصل أن هذه كتلك الأوتان كتلك الأصنام التي كانت تعبد من دون الله الأصنام التي كان يحاربها إبراهيم وهذه الأوتان فهي على حد سواء فالأصنام لم تكن مجرد حجارة إنها معالي إنها آلهة تعبد من دون الله كتلك القبور تلك القبور ليست فخشية وإنما تعبد من دون الله فجعلوها آلهة ونتوها عن آبائهم وأجدادهم فهم يتخذونهم شفعاء بينهم وبين الله عز وجل قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء أش يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى نفس الحجة التي سمعها الأنبياء تسمعها اليوم وجدنا آباءنا على حال ها ما نعبدها إلا لتقرب أي واسطة إلا لتقربنا إلى الله نفس الكلام et ces mausolées qu'on voit ces tombes qu'on voit hein, c'est comme les statues qu'il y avait à l'époque de Ibrahim alayhi salam et les autres prophètes alayhi salam car les statues qu'adorait le peuple de Ibrahim alayhi salam c'était pas une pierre seulement c'est la représentation d'une divinité La même chose, cette tombe, c'est la représentation d'une divinité qui s'adore, en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Et tout ceci a été hérité des parents et des générations d'avant. Et ils les prennent, certains les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, les a désignés ainsi dans le Coran, et ceux qui prennent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des alliés, et ils disent, nous les adorons tout simplement pour qu'ils nous rapproche d'Allah, une intermédiaire. Hein? C'est tout. La même preuve qu'on dit les peuples à leur prophète, c'est la même chose qui se dit maintenant. فما حوجنا إلى معرفة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما حوجنا أن ندعو دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الواقعون في الشرك يجب أن نشفق عليهم وندعوهم ونبين لهم Nous avons besoin, frère Allah Azza wa Jal, de connaître la voix d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et nous avons besoin de faire le dua d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wajnubli wa baniyan na'bud al-asnam. Et évite-moi ainsi que ma descendance d'adorer les statues. Ceux qui se tombent dans l'associationnisme, il faut avoir pitié d'eux. Il faut leur apprendre et leur éclairer la situation. Parce que dans la majorité des cas, c'est des ignorants. Ils ne savent pas. هؤلاء ينتظرون من كل من يصعد إلى المنبر أن يعلموهم ويبينوا لهم ويوجهوهم ولكن إذا كان ذلك الذي يصعد المنبر ينتفع بالصكوك وبصندوق الولي ماذا تريد منه؟ ينتفع بصندوق الضريع ماذا تنتظر منه؟ لن يوجههم لن يوجهوا من الحنيفية السمحاء وإلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ها فالسدنة ديال الصناد هو تيأكل من الصندوق وبتيقول الناس لا بغيت تمشي ليه الرضاعة ديالو كيفاش يخلي الرضاعة ديالو ها qui va chez Tocham, mais il pioche. Et ces gens, ces ignorants, ils ont besoin que ceux qui montent sur l'Onbok les éclairent, les orientent, et leur montrent la voie à suivre, le monothéisme, et que leur montrent ce que c'est que l'associationnisme, etc. Mais quand ceux qui montent sur l'Onbok, ils prennent leur salaire et leur profit de la caisse qui est à côté de la tête du mort, quand est-ce que tu veux qu'ils les orientent à la voie, au monothéisme? Quand est-ce que tu veux qu'ils les éclairent sur l'associationnisme? Quand lui, il a son biberon qui vient de là. Qu'est-ce que tu veux, hein? Et il est dans le verset que beaucoup de savants, Al-Ahbar wal-Rahban, vers les savants, et Adar, Luqtridir Zawya, et les ascètes, les adorateurs, et ainsi de suite. Mange l'argent des gens avec le nul, et détourne de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est dans une secte, le riant les adeptes à adorer cher, à quand ils sont dans une difficulté, à appeler cher, et ainsi de suite. Parce que comme ça, la vache à lait va continuer à donner du lait. Sinon, il n'y a plus de lait. S'il n'y a plus, hein, si Hada, il adore Allah et réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où va bien venir l'argent dans la caisse? Ben, la vache ne va plus donner de lait. Donc, il protège. فالذين ينتظر منهم أن يحذروهم ويعلموهم ويكلمونهم في أمور ما أنزل الله بها من سلطان فهؤلاء الذين المنتظر منهم أن يحذروا الناس يكلمون الناس في أمور في خرافات وفي أمور ما أنزل الله بها من سلطان يحكون لهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على طريقة المخرفين والقصاصين كان يا مكان حتى كان في قديم الزمان حتى إن كثيرا من هؤلاء الجهلة يذهبون إلى الجمرات يرمونها على أنها شيطان لماذا؟ لأن هؤلاء المخلفون هكذا علموهم وبعضهم يضرب بالنعال وبعضهم يسفها على أنها الشيطان هكذا علموهم فتولات هؤلاء هذه الجلالات جيلا عن جيل بعضهم عن بعض إلى يوم الناس هذا. Donc ceux duquel on attend qu'ils éveillent les gens et qu'ils les avertissent n'ont rien après aux gens. Ils ne leur parlent pas. Ils leur parlent dans des situations à dormir debout. Ils leur comptent des histoires à dormir debout. Ils ne leur apprennent pas les fondements de la religion et le monothéisme et la foi, etc. Mais ils leur parlent. Des fois, ils leur décrivent l'histoire de Ibrahim alayhi salam comme un conteur d'histoire. Et il était une fois. Et il commence à endormir les gens. Et beaucoup parmi ces ignorants, après les histoires qu'ils ont entendues de ces conteurs d'histoires, quand ils vont à leur pèlerinage, quand ils se retrouvent devant les stèles, ils insultent la stèle et ils tapent avec leurs chaussures, avec tout ce qu'ils ont de l'humain, et ils maudissent Shaitan, Shaitan est là. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on leur a dit. Ces charlatans, c'est ce qu'ils leur ont inculqué pour qu'ils les maintiennent dans l'ignorance. Et ainsi, ces pauvres gens ont hérité cette ignorance de leurs parents, ils l'ont légué à leurs enfants et ainsi de suite. C'est pour ça même maintenant que tu te retrouves avec quelqu'un. Mais mes parents étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça. Est-ce que mon père était dans le faux? Mon grand-père était dans le faux alors qu'il avait le Coran? Ainsi. On l'a embobiné. Et il est devenu, il est rentré dans un cocon de limitation aveugle, et c'est difficile de l'en sortir. Fal hadir jamarat, hiya shaytan, abada, hada nusuk, hadi ibada, wa la yanbaghi an naqussa ala an-nas qasasan, la na'rifu ra'saha min rijlayha, wa la yanbaghi an na'tamida qasas banu Israel, allati la ya'rafu qasluha. Maintenant, est-ce que c'est stèle? Que la pluie de le pèlerin, ça c'est chétain. Hein? Ça c'est un rite. C'est une adoration. Et il ne sait pas, il n'appartient pas de raconter aux gens des histoires qui n'ont pas de sens. Hein? Il ne faut pas aussi qu'on s'appuie sur des histoires de Banu Israël dont on ne connaît pas l'origine ni la validité. والشاهد بارك الله فيكم أن هذه القبور والأضرحة أوتان تعبد من دون الله. أوتان تعبد من دون الله. Témoignage, c'est que ces mausolées et ces temples, ce sont des divinités qui s'adorent en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. On leur voit le culte qui doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul ilm, la yukaffiruna haoulaï nas. Wa in sammou ma yaf'alouna shirkan wa kufran. Wa in sammou hadihi al-mashahid awtanan wa aslaman tu'badu min dounillah. Na'am, tusamma al-asma'u. بأسمائها يسمى الكفر كفرا ويسمى الشرك شركا وتسمى البدعة بدعة ولكن التكفير ليس لي ولكن وليس لأحد الناس التكفير لأهل العلم التكفير لأهل الاختصاص الذين يعرفون كيف يقيمون الحجج وكيف يذهبون الشبه دونك قال الله عز وجل سبتمبر ها Ces temples qui s'adorent en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ces temples et ces mausolées s'adorent en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. On doit appeler les choses par leur nom. Hein? Et les hommes de science ne rendent pas mécréants ces ignorants. Même s'ils appellent la mécréance, ils appellent chaque chose par leur nom, la mécréance c'est la mécréance, l'innovation c'est l'innovation, l'associationnisme c'est l'association. Ils ne rendent pas mécréants ces gens-là. Parce qu'ils sont induits en erreur, ils sont dans l'ignorance. Il faut que la preuve s'accomplisse. Il faut qu'on leur apprenne et que la preuve est la compréhension. Et le fait de rendre quelqu'un mécréant, il ne t'appartient pas, il ne m'appartient pas. Il appartient aux hommes de science dignes du nom et qui savent accomplir la preuve et anéantir les ambiguïtés et dissiper les ambiguïtés. Ça appartient pas à quelqu'un d'autre. On peut dire que cet acte est un acte de mécréance d'association. Mais t'aventures pas à dire celui-là c'est un mécréant. Aidan Billah. Fais pas ça. Ça ne t'appartient pas à l'islam. Mais tu peux dire d'un acte, c'est un acte, c'est une innovation, c'est un acte de mécréance, c'est un acte d'associationnisme. Mais tu n'aventures jamais à dire de quelqu'un qu'il est mécréant. Ne le sors pas de l'islam. Hein? Laisse ça à ceux qui sont dignes et qui savent accomplir la preuve et qui savent dissiper les nuages des ambiguïtés de l'esprit et du cœur des gens. Ne tombe pas dans la voie de l'Tikfiri, dit quelqu'un bouge, c'est un kafir. La yakhal islam. Fa ahlul ilm, yakuluna ud'u haoulaï jahala, bayinu lahum al-tawhid, bayinu lahum al-shirk, ud'uhum ila din al-haq. Naam, yusammouna al-ashya'a bi-asma'iha, walakin yad'ouna haoulaï al-nas. لأنهم يعرفون أنهم لم يجدوا من يبين لهم الحق ومن يوجههم ومن يحذرهم فأمامهم من يزيد لهم هذه الشركيات والبدعيات ويفخرون الله عز وجل notre devoir c'est d'éduquer ces ignorants si on est capable de le faire c'est de leur montrer ce que c'est que le monothéisme de leur montrer ce que c'est que l'associationnisme de les appeler vers la religion de la vérité, vers la religion vraie. Et il est évident qu'on désigne les choses par le nom, par le réel nom. Mais les hommes de science disent, appelez ces gens-là vers le monothéisme, éduquez-les. Parce que les hommes de science disent que ces gens-là n'ont pas trouvé quelqu'un qui les éduque, qui les oriente vers la voie de l'authenticité. Ils ont trouvé personne pour les avertir contre eux, l'associationnisme. Ils ont trouvé devant eux que des gens qui leur embellissent les actes de l'associationnisme et qui leur embellissent les innovations. فالواجب علينا أن نشتغل بدعوت هؤلاء إلى التوحيد إشفاقا عليهم وأن نحاول جهدنا إخراجهم من هذه الضلالات التي ورثتها جيلا عن الجيل. ما أحوجنا إلى نشر الخير فالفتن عمت وطمت وزاد سدنة هذه الأضرحة زاد الضلال فتنا أخرى فترى أحدهم يلاحظ الزوار فإذا رأى زائرا ميسورا وتظهر عليه علامة العلامة أنه ذو مال وجاء ذهب إليه أفتح لك الغرفة الخاصة لتراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أفتح لك الغرفة الخاصة ليريك شعرة من شعر رسول الله أفتح لك الغرفة وأنت عاجز فتنة فوق فتنة Donc il est de notre devoir, frère Allah, Azzawajal, si on a les capacités, on a la science pour le faire, et la sagesse et la façon de faire, d'appeler chez eux vers le monothéisme. Par pitié pour eux, de les orienter vers la voie de notre prophète, alayhissalam, vers la sunna, vers le monothéisme. C'est de faire tout ce que nous avons pour les sortir de l'égarement dans lequel on les a induits. De cet égarement qu'ils ont hérité génération après génération. Nous avons besoin de propager le bien. Les tentations, les perturbations, les égarements sont monnaie courante maintenant. Et en plus de ça, les têtes de ces mausolées, de ces sectes, quand ils sont dans le moussin, ou là quand ils sont là, dans le mausolée, qu'ils voient que quelqu'un est teasé, il a de l'argent, il a un pouvoir, ça se voit sur lui, un rang social, etc. Où ils arrivent à sentir le pigeon qui a de l'argent. Il arrive vers lui, lui sourit dans les oreilles. Tu veux que je t'ouvre là, la pièce particulière d'Yelcher, pour que tu puisses voir la trace du prophète, du pied du prophète, alayhi salatu salam. Tu veux que je puisse voir un cheveu du prophète, alayhi salatu salam. Mais avec ce qu'il est insensé, il voit ce cher avec le turban, avec un gros collier et la barbe blanche et tout, il tombe. Il allonge nos ailes après. Fitan. Ceci existe, frère en Allah Azza wa Jalla. Il ne faut pas croire. Hada mawjoud akhi l'islam. Anta tadhun bi anna hada min bab kan ya ma kan hatta kan fi qadim az-zaman. Ceci ne fait pas partie du truc. Il était une fois, Tintin et Miloud. La akhi l'islam, ceci existe. C'est une réalité. فأصبح عند هذه الأضرحة كهنة ينتفعون من روابها ويعيشون على حساب هذه الأوتان. فإلى هذا الحد بلغ الشهر. وصدق والله من قال يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. وهذا صادق في القول الذي قال. عندما ترى ما الخرافات التي يعيشها الناس في دينهم كيف لا يقول مثل هذه القولة وهذه قولة صادقة أكنت دو سي موزوري فرون الله عز وجل يا دي كهنة دي دفن كي سونا كي برن اي دي تت كي برن بنفيس دي فيزيت اي دو سو كي فيان فيزيت اي الفيف سور لو كونت دو سي تومب à ce point de l'ignorance on est arrivé jusqu'à tel point que la parole est véridique de celui qui a dit « Ô communauté, dont les communautés ont rigolé de son ignorance. » Et cette parole, elle est véridique. Beaucoup de communautés, quand ils regardent, c'est soi-disant, film, des commentaires, etc., dans lequel tu te retrouves avec la secte de Gnawa, avec la secte de Issawa, avec les Bouchichi, avec la secte de Tunisie, les sectes de ceci, de cela. Qu'est-ce qu'ils croient? C'est quoi ça? Ça, c'est la religion. Des gens qui se frappent, des gens qui... des gens qui sortent en l'air. C'est quoi? C'est ça la religion? C'est ça l'islam? Il est véridique cette parole que les communautés rigolent de l'ignorance de cette communauté. C'est normal, l'islam. فهل ينتظر من أمة حالها كما سمعتم أن تمكن في الأرض وأن تنصر على أعدائها ما أحوجنا أن نتفكر في حالنا وأن نتأمل حالنا. Est-ce que maintenant une communauté qui est arrivée à ce point-là, comme vous avez entendu, mérite le triomphe d'avoir le pouvoir sur terre? Il est de notre devoir de méditer notre situation et de voir où nous allons, dans quelle situation nous sommes. فَعَوْدَةً إِلَى خَلِيلِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى مَنْ نَذْكُرُهُ فِي صَلَوَاتِنَا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فإبراهيم هو الإمام الأول ونبينا هو الإمام الأكبر، وإن كان محمد من ذرية إبراهيم، لكن الله عز وجل قال له اتبع ملة إبراهيم. إن إبراهيم جد نبينا عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. غضنوا على ألم يأتي من الله سبحانه وتعالى كي إبراهيم كنوا Nous invoquons, nous évoquons Ibrahim alayhi salam dans chacune de nos prières quand on fait Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim c'est le grand imam. Ibrahim c'est le premier imam des monothéistes. Et notre prophète c'est le plus grand des imams. Même si Muhammad alayhi salam est de la descendance de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Muhammad alayhi salatu wa salam, il suit la voie de Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ibrahim, c'est le grand-père de notre prophète alayhi salatu wa salam. Ibrahim à lui tout seul était une communauté adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était dans le monothéisme, il n'était pas associateur. Fa Ibrahim yajibu an yakuna lana qudwatan wa an yakuna qudwatan li kulli muti'. وابنه إسماعيل يجب أن يكون قدوة لكل ابن صالح وهاجر وسارة ينبغي أن يكون قدوة لكل امرأة صالحة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام il faut qu'il soit notre modèle. Il faut qu'il soit le modèle de tout soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, de tout obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son fils Ismaël عليه الصلاة والسلام il faut qu'il soit le modèle de tout enfant dévoué pour ses parents. De tout enfant vertueux, son modèle doit être Ismaël alayhi salatu wassalam. Sarah et Hajar doivent être le modèle de toute femme vertueuse et de toute femme pieuse alayhi salatu wassalam. Fa Khalil al-Rahman alladhi nala hadhihi al-martaba lam yusharik fiha ahad illa nabiyyuna Muhammad alayhi salatu wassalam. قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لم يأتي من الله سبحانه وتعالى كإبراهيم عليه الصلاة والسلام personne n'est associé avec Ibrahim عليه الصلاة والسلام parmi les prophètes dont le fait d'être ami intime d'Allah سبحانه وتعالى par notre prophète عليه الصلاة والسلام. C'est les deux parmi les prophètes qui sont les amis intimes d'Allah. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme ami intime Ibrahim. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, il est le véridique qui n'a dit que la vérité, Allah m'a pris comme intime comme il a pris Ibrahim alayhi salatu wassalam comme intime. Wa fi hadha al-makan la yanbaghi li ahadina an yudkhila ra'yahu fi hadha al-makan. Fa tasma' min kathirin يصفون محمدا بأنه حبيب الله لا شك أن الله يحبه لكن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة فالله عز وجل لم يتخذ إلا إبراهيم ومحمدا خليلا فإن قلنا إن محمد حبيب الله أنزلناه من مرتبة الخلة إلى مرتبة المحبة أنزلناه من المرتبة التي لا يشاركه فيها إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلناه في مرتبة يشاركه فيها آدم وموسى وعيسى ونوح وصالح وشعيب لأنهم كلهم يحبهم الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا بد أن نعيه. فأنت تسمع من بعض الناس محمد حبيب الله، نعم، ولكن أحسن من هذا أعلى مرتبة محمد خليل الله عليه الصلاة والسلام. دونك كل الأنبياء أحبة لله عز وجل، ولكن الخلة ليست إلا لإبراهيم ومحمد. والصحيح أن نقول محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله لكي ننزلهما المنزلة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. Allah عز وجل a cette situation de l'intimité. Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme intime Muhammad alayhi salatu wa salam et Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il ne faut pas que notre raison vienne s'immiscer là-dedans. Tu entends de beaucoup décrire Muhammad alayhi salatu wa salam comme il est le chéri d'Allah, l'aimé d'Allah. Hein? Il est évident qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime Muhammad alayhi salatu wa salam. Il n'y a aucun doute. Mais l'ami intime, l'intimité est un degré plus élevé que le fait d'être aimé. Parce que si on dit de Mohammed alayhi sallam qu'il est l'aimé d'Allah, ça veut dire qu'on l'a descendu d'un grand degré, qu'il est l'ami intime, l'intime d'Allah, on l'a descendu de l'intime d'Allah, on l'a mis au rang de l'aimé d'Allah. Il est tous les prophètes sont aimés d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, on va le descendre de là. Hein, du degré dans lequel il n'est qu'avec Ibrahim alayhi salam, et on va le mettre, on le désignant comme l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va le mettre avec Adam, avec Isa, avec Nuh, avec Adam. Il est évident qu'Ibrahim rentre dedans. Donc, et tous les prophètes sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad alayhi salam à leur tête, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous devons réserver la place que Allah a désigné Muhammad alayhi salam et lui donner la place que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme intime. Il a pris Ibrahim comme intime. Ils vont dire que Muhammad est l'intime d'Allah, Khalilullah, et Ibrahim Khalilullah. Il n'y a aucun doute qu'il est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, imam al-muwahidin. ووالد الأنبياء والمرسلين فكل الرسل والأنبياء من بعده من دريتي وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فكان نعم الختام إبراهيم عليه الصلاة والسلام سليمان دي مونوتيست et c'est le père de tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام et tous les messagers عليهم الصلاة والسلام après lui sont de sa descendance et le dernier des messagers il est de sa descendance. Et béni ce dernier des messagers, alayhi sallallahu alayhi sallam, le plus long parmi les prophètes, alayhi sallallahu alayhi sallam, qui est Muhammad, alayhi sallam. والبعض يعجب عندما يسمع أهل العلم يقولون أنه ينبغي لكل والد وكل رجل أن يتخذ إبراهيم قدوة ويقول أما تكفينا القدوة في محمد صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم ما خرجنا منها وما خرجنا عنها لأن الذي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالكلام نفسه من الله. الأمر أتاك من الله عز وجل. الذي أمرك بأن تأخذ محمدا قدوة أمرك كذلك بأن تأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة فأنت فيها. وأمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتخذ إبراهيم قدوة. Et certains s'étonnent quand les hommes de science leur disent, ou ils entendent de la bouche des hommes de science ou du cours des hommes de science, qu'il faut à tout enfant, à tout père, il y a tout temps de prendre Ibrahim comme exemple. Et ils disent, est-ce que ça ne suffit pas l'exemple de Mohammed alayhi salatu wassalam? Les hommes de science lui disent, hein, on n'est pas sorti du fait de prendre Mohammed alayhi salatu wassalam comme modèle, car Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, vous avez le meilleur des exemples de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est lui-même qui a dit, vous avez un autre exemple et un bon exemple au Ibrahim et ceux qui sont avec lui, quand ils ont dit à leur peuple, nous vous désavouons, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons mécru, hein, on vous et entre nous et vous, et à séparation, hein, loin de la haine, hein, et le désavou total. فالله عز وجل جعل لنا في خليله إبراهيم أسوة حسنة في التوحيد بل وفي بعض الشرائع التي جاءت في شريعتنا كما كانت في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي الفطرة نحن على ملة إبراهيم في التوحيد. نحن في الفطرة على ملة إبراهيم وفي التوحيد كذلك نحن على ملة إبراهيم. وإبراهيم امتحنه الله سبحانه وتعالى بأمور عظيمة منها أنه فرض عليه الختان وعمره 80 سنة ولم يقل إني رجل كبير. اختتن في هذا السن اختتن عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل إلفي كل لنتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام سواء اكزامبل pour nous dans le monothéisme. Dans certaines législations qui sont dans les manuscrits d'Ibrahim a.s. font partie de notre législation. Dans la fitra, la nature sur laquelle nous sommes créés, nous sommes sur la voie d'Ibrahim a.s. Dans le monothéisme, nous sommes dans la voie d'Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. a été éprouvé par des choses importantes et grandes. C'est que lui a été fait obligatoire à l'âge de 80 ans de se circoncire. Il n'a pas dit à 80 ans je vais me circoncire. Il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. فلم يكن الختان معروفا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاختتن عليه الصلاة والسلام بالقدوم وعمره 80 سنة. هذيك الشعر. وعمره 80 سنة بطريقة كانت تناسب عصره أي أنه اختتن بآلة تعتبر الآن آلة شديدة بالنسبة لزماننا. وقال بعض أهل العلم أن القدوم مكان أي المكان الذي اختتن فيه إبراهيم يسمى القدوم ولكن الراجح أن القدوم هو الآلة هذه التي اختتن فيها بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. La circoncision n'était pas connue avant Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam va se circoncire avec une hache à 80 ans. Et cette façon de faire, il circoncis à 80 ans avec la hache correspondait à son époque. Cet outil qu'il a utilisé, qui apparaît maintenant un outil à part chez barbares pour nous, à leur époque, c'est un outil normal. Hein? القدوم هذا كي لاش certain nombre de sciences qui ont dit c'est l'endroit où Ibrahim s'est circoncis mais la parole avenante chez les hommes de science c'est la hache avec lequel l'outil avec lequel Ibrahim عليه الصلاة والسلام s'est circoncis. فإبراهيم اختتن على كبر سنه والختان هو الذي نسميه احنا الطهارة ها فالختان فطرة وهو مما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكثير من الخصام الخصام الفطرة أخذت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام s'est circoncis à un âge avancé, 80 ans après l'islam. الختان, la circoncision, c'est ce qu'on appelle en langue arabe tahara, c'est-à-dire la purification. Et c'est un acte qui fait partie de la fitra. Et c'est la voie sur laquelle était Ibrahim alayhi salam. Et beaucoup d'actes de la fitra sont donc étaient, on les a pris, on les a hérités d'Ibrahim alayhi salam. Fa Ibrahim alayhi salam, mitanu lil abdi salih, wal rajul salih, wal abi salih. Fa ma ahwajana aba'an wa rijalan ila an nahtadiya bi Ibrahim alayhi salam. Alladhi qama bi kulli ma kallafahu Allah subhanahu wa ta'ala bih. Wa qama bihi hatta al-qiyam. فلا نجعل بيننا وبين طاعة الله سبحانه وتعالى عوائق فخلقنا للامتحان وخلقنا للابتلاء وخلقنا للاختبار عباد الله دونك ها ابراهيم عليه الصلاة والسلام سي لو موديل دو سيرفيتور فيرتيو ابراهيم عليه الصلاة والسلام سي لو موديل دو لوم فيرتيو اي دو بير فيرتيو. Nous devons prendre comme exemple Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tout père que nous sommes, nous devons prendre comme modèle Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tout homme que nous sommes, nous devons prendre Ibrahim alayhi salatu wassalam comme modèle. Parce qu'il a accompli tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait obligatoire. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, il l'a fait comme il se doit. Il ne faut pas mettre des barrières entre nous et le fait d'oublier à Allah et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons été créés pour l'épreuve, pour l'examen, pour être éprouvés, et pour l'examen. Et ces ordres, c'est une épreuve pour nous. Est-ce qu'on va réussir l'examen ou pas? Nous avons été créés pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ خَلَقَنَا لِيَبْلُوَنَا خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَلْنَضَعْ أَمَامَنَا هَذَا الْمِثَالِ الطيب خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى التوحيد وهو فتى ما زال فتى أقام الحجة على قومه قالوا إنا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم فتى فدل على أنه فعل هذا وهو صغير أي في بداية شبابه ومراهقته. الله سبحانه وتعالى يزكيه pour nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour lui réserver le culte exclusivement. Il est dit dans le verset dans Surat al-Mulk, pour vous éprouver qu'il va faire la bonne œuvre. Il faut qu'on mette en face de nous ce noble exemple, qui est l'intime d'Allah Ibrahim alayhi salam, qui a appelé vers le monothéisme alors qu'il était jeune garçon encore. Il a appelé son peuple vers le monothéisme. Il a accompli la preuve contre son peuple. Ils ont dit, nous avons entendu un jeune garçon parler au mal d'eux. Il s'appelle Ibrahim. Tout jeune garçon qu'il était, il a appelé vers le monothéisme. Il a accompli la preuve contre son peuple alors qu'il était jeune. Il était au début de sa jeunesse. Hein? أقام الحجة على قومي على أن هذه الجماعات لا الجمادات لا تسمعهم ولا تنفعهم ولا تضرهم فلما كسرها ترك كبيرهم فلما سألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كانوا ينطقون إلى accompli la preuve contre son peuple comme quoi ces inanimés ces six statues n'entendent pas, ne pourront pas faire le bien, ne pourront pas faire le mal. Et quand il les a cassés, il a dit, il a laissé leur grand, il leur a dit, posez la question au grand, s'il parle. Hein? Posez la question. Quand ils lui ont dit, qui a fait ça de notre divinité? Regardez, c'est leur grand, on a posé lui la question. S'il parle, il va vous répondre. فقام عليه الحج عليهم الحج من جهتين أنه لو كان هناك آلهة لكان السلطان لكبيرهم ولا يمكن أن يدع الكبير الآلهة الصغيرة تعبد وهو يشاهد أراد أن يبين لهم أن الذي يستحق العبادة هو الكبير العظيم وأقام عليهم الحجة مرة أخرى بأن بين لهم أن هذه الآلهة لا تستطيع دفع الضر عن نفسها فكيف تدفعه عن غيرها وهنا في الحقيقة أهانهم وبين سفاهتهم بطريقة حكيمة وطريقة رشيدة وطريقة خفية فهذا خليل الله عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وأقام الحجة وهو ثفة صغير بأحكم الطرق وأرشدها من الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمبلي لا بروف كونتر سون بوبل دو فوا بار دو كات فيغور هنا تيرون لور اتونسيون غادي S'il y avait une divinité, celui qui devait avoir le pouvoir qui doit être adoré seulement, c'est le grand. Et s'il avait le pouvoir et qu'il était une divinité, il ne laisserait pas les petits être adorés. Il n'accepterait pas l'adoration vouée aux petits. Alors qu'il les voit, qu'il est en train de regarder, il est en train de leur montrer que celui qui mérite réellement l'adoration, c'est le grand, c'est le puissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et une deuxième fois, il a accompli la preuve contre son peuple. Il leur a montré comme quoi ces divinités ne peuvent rien pour elles-mêmes. Comment vous voulez qu'ils peuvent quelque chose pour autrui? Ils ne peuvent rien pour elles-mêmes. Ils ne peuvent même pas se défendre elles-mêmes. Que voulez-vous qu'ils vous fassent? Et en réalité, ici, il les a rabaissés. Mais avec une voix sage, avec une voix dans laquelle il y a la sagesse, il les a rabaissés, il leur a donné une claque. Mais avec sagesse. Ça, c'est l'ami d'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a appelé, alors on est un jeune, au monothéisme, et qui a donné une leçon énorme à son peuple. Allez, salatu wassalam. Wa l'inisa'ina kadalik, julusun wa'iba, fi hajar. فالله عز وجل امتحن إبراهيم بإسكان هاجر وابنها إسماعيل في واد غير ذي زرع عند ربوة في نفس المكان الذي فيه الكعبة الآن ولم يكن هناك تم أحد ولا شيء ولا نبات ولا طائر ولا ماء ولا زاد ولا أنيس إلا الله سبحانه وتعالى إنه فامو سيون دي لسوا رتنير دو هاجر Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Ibrahim alayhi salatu salam en allant laisser sa famille Hajar et Ismaïl dans un endroit désert, dans un fleuve où il n'y a pas d'eau, hein, un désert complet, pas de végétation, pas d'oiseaux, pas d'eau, aucune compagnie, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. وهنا يجب أن نتذكر القدوة في تلك المرأة الصالحة نساؤنا يجب أن يتذكرن القدوة في هاجر في تلك المرأة الصالحة كيف أطاعت خليل الرحمن وكيف استجابت لما ولى عنها لما سألته لمن تتركنا؟ الله أمرك بهذا. فلما عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها علمت علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لم يضيعها. Et donc ici aussi, nos femmes doivent prendre exemple. Nous aussi, nous devons prendre la leçon dans cette position de Hajar, alayhi salatu wassalam, cette femme vertueuse, comment il a oublié à l'intime d'Allah et comment il a répondu à ce que voulait Ibrahim alayhi salatu wassalam quand il voulait laisser. Il a posé tout simplement une question à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Et quand il a eu la certitude que c'est Allah qui a donné l'ordre, il dit, vas-y, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous laisser tomber. Allah, il va nous protéger. Certitude. Les gens qui sont guidés, qui ont été éduqués dans le monothéisme, qui se sont soumis complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vas-y Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous laisser tomber. ولم تقل كما تقول نساؤنا الآن إذا أمرنا بشيء من التضحية إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لكن كانت عملت بقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يمكن أن يكلفنا الله شيئا ويكون فيه هلاكنا. لا يهلك أحد بالشرع أبدا ولا يضيع أحد بدينه. نساؤنا الآن عندما تؤمر بشيء يقول لا واش السماء بطيح علي أنا الفلوس وسترزقي بيجي من السماء ما يمكنش. ولكن من يتق بالله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى الشرع ديالو والدين ديالو ما تكلفنا شي حاجة اللي ما تهلكنا أبدا. ولكن نحن الذين لا يعقلون. Et Hajar n'a pas dit comme disent les femmes de notre époque maintenant, quand on leur demande un sacrifice, ou que un sacrifice, des choses de ce monde, on dit, bon, le ciel ne fait pas tomber de l'or ni de l'argent, l'or ne tombe pas du ciel, et l'argent non plus. Mais Hajar savait, il savait, et il avait la certitude. Celui qui préserve les droits d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera une mission. Il va lui donner sa subsistance de là où il ne sait pas. Il faut avoir la certitude sur une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous impose pas des choses qui vont nous amener à notre perte. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait obligatoires, ne nous ramènent pas vers la perte, ikhwat al-Islam. La religion ne ramène pas vers la perte. La soumission à Allah et au messager ne ramène pas vers la perte, loin de là. Contrairement à ce que pensent les gens, contrairement à ce que pensent nos contemporains, beaucoup de nos contemporains. بل ما فرض الله علينا الدين إلا رحمة منه ودين الله كله رحمة ويسر وكله مغفرة ولكن ليسر في شرع الله ليس الخروج عن شرع الله ونقول الدين يسر لا يأخذ الإسلام. دين الله هو السعادة الأبدية والعزة الأزلية بل إن الشقاء للمعرضين عن دين الله. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالشقاء إنما يكون للمعرضين عن دين الله. الشقاء لا يمكن أن يكون للمطيعين وللمقبلين على الله سبحانه وتعالى. نعم يمكن أن يكون عندهم معيشة عسيرة شيئا ما وقلة في المال وكذا وشيء من الفقر ولكن لا تكون عندهم الشقاوة أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى ستقولي شو إلا في أوبليغاتواغ par clémence pour nous. La religion est une clémence. Toute la religion est une clémence, est une isance, est une facilité, est un pardon. Mais il faut faire très attention. le mot facilité, la facilité dans la législation. Pas transgresser les lois d'Allah, parce qu'on est en train de dire la religion c'est facile. Elle est yusr. Là, yusr, il est dans ce que Allah a légiféré. On ne sort pas des ordres d'Allah et dit din il yusr. Là, il y a un islam. Ça, c'est une énorme ambiguïté. De ceux qui veulent se détacher, ils ne veulent pas se soumettre aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le bonheur éternel. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'honneur éternel. Le malheur vient accapare ceux qui ont donné le dos à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais le malheur ne va s'accaparer de ceux qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils sont dans la pauvreté, ils ne sont pas malheureux. Même s'ils sont éprouvés par la pauvreté, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas malheureux. Il est dit dans le verset, celui qui se détourne des ordres d'Allah, de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que veut Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, il aura une vie pénible. Et le jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle, alors qu'il était voyant de ce bas monde. Il dira, j'étais voyant, pourquoi je suis aveugle maintenant? Ainsi, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala te sont venus, et tu leur as donné le dos, comme tu les as oubliés. Aujourd'hui, nous aussi, on t'oublie. Donc la tristesse, le malheur, ne peut être que pour ceux qui ont donné le dos à la religion. N'importe comment. La vie pénible, l'oppression, elle est pour ceux qui ont donné le dos à la religion. فالمعرضه الذي يشقى اما المطيع فان الله يتولى وييسر له امره ويهون عليه الطاعه ويهين عليها ويهديه سبل السلام ويبارك له في ماله واهله وفي عمره وفي صحته فالمؤمنون موعودون بالبركه فالقليل عندهم يباركه الله سبحانه وتعالى ويسعدون به ويقنعون به لأن إيمانهم يدفعهم إلى القناعة وإلى السعادة بما قدر الله عليهم والمؤمنون حريصون على الحلال على الطيب ولا يشبعون من أي مصدر ولذا لهم البركة ولهم السعادة الدنيوية وعندما يقول الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ceux qui se détournent des lois d'Allah, c'est eux qui vont être attristés. Quant à l'obéissant, Allah subhanahu wa ta'ala c'est son allié. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les situations. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le fait d'être soumis à Allah et d'accomplir ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers les voies du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la bénédiction dans sa famille, dans sa fortune, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans sa santé. Les croyants, Allah leur a promis la bénédiction dans tout. Le peu de choses qu'ils ont et le peu de subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala le bénit pour eux. Et ils auront le bonheur. Et c'est eux qui sont dans le bonheur. Et les croyants, la foi qui en eux leur permet de se satisfaire de la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et ils ne cherchent pas l'illicite, ils ne recherchent pas le gain n'importe comment, ils cherchent tout le temps le licite et les voies du licite. فأنت ترى أكثر أهل زماننا لا يبالون من أين يؤخذ المال كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي أحد مما أخذ المال أمن حلال أم من حرام وهذه مصيبة لا يشعر بعظمها إلا المؤمنون مصيبة عظيمة لا يشعر بها إلا المؤمنون يتحرون بعد التور دي دوا خلون الله عز وجل لي جون ندون بلو لامبورتونس دو فيان لارجون شيرش با نامبورت كيل فوا كيل بخيل لارجون. Et ceci, comme l'a annoncé le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Abu Huraira de nous dire que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, va arriver un temps où les gens ne vont plus faire attention d'où vient l'argent. S'il est halal ou s'il est haram, peu importe pour eux. C'est ça comme tu le vois. voit que Allah Azza wa Jal, c'est une grande catastrophe. Hein, dans laquelle beaucoup de temps, et ceux qui sont épargnés de cette catastrophe, les réels sont mis à Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أطاع الله لا يمكن أن يضيعه الله أبدا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب أما الجهال فيقولون للمطيعين إذا ساروا في طريق الطاعة إذا سرتم في طريق الطاعة فسيصيبكم الفقر ويقول لك والله إني لك ناصح أمين كيف تترك أوروبا وتترك الإيريمين وتترك للسيمين وتترك للبير وتهاجر ستفتقر سيدخل عليك الفقر هذه يهزك الماء ويضرب الضوء وتبقى تطل في الزنقة من سيدفع لك إيجار البيت من سيدفع لك الدواء من ومن لن تجد عملا سيضيق عليك تضيق عليك السبل وهذه إيحاءات شيطانية هذا مثال وإلا في الأمثلة كثيرة ألم يقل ربنا عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فأي الوعيدين تصدق وعد الشيطان أم وعد الله اختر لنفسك ماذا تصدق وعد الله أم وعد الشيطان وإي الوعيدين لا يخلف أوعد الله أم وعد الشيطان فالله عز وجل il faut avoir la certitude que celui qui a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le léser. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le négliger. Loin de là. Celui qui préserve le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera l'ouverture. De là où ça ne tombe pas. Il aura sa subsistance. De là où ça ne tombe pas. Quant aux ignorants, ils disent aux obéissants, si vous prenez le chemin, vous obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous lâchez vos bas, personne ne vous employe. La sœur, quand il met son hijab, qui va t'employer? Tu ne vas pas trouver de mari. Hein? Attends que tu sois marié, après tu te couvres. Hein? Attends que tu travailles, après tu lâches ta bas, et ainsi de suite. Ils sont en train de détourner l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas tomber dans la pauvreté. Il te dit, par Allah, je te conseille, je veux le bien pour toi. Si tu fais l'hijra, qui va te donner les rémis, qui va te payer la paix, ici, tu as le rémi, tu as la paix, tu as la sime, tu as les bons de l'assistante sociale, tu as les bons de la mairie, tu as les bons de... Hein? Et vas-y, tu as la liste longue. Si tu pars, et tu fais ta hijra, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas emmener les enfants chez le médecin? Avec quoi tu vas payer le médecin? Tu vas devenir pauvre, tu vas rien faire, ils vont te bouffer ton argent là-bas. Tu vas maudire, tu vas revenir. Hein? Et ça, ce sont des insinuations sataniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit Satan comme ça. Il est dit dans le Coran, Satan vous promet la pauvreté. Il vous ordonne le blâmable. Et Allah vous promet le pardon. Il y a un grand bienfait. Et Allah, sa science est large. On englobe tout. Sans limite. Quelle promesse dans ces cas-là on prend comme véridique? Quelle promesse va être accomplie et tenue? Celle d'Allah ou celle du shaitan? Le shaitan lui a dit le faqr. إن أطعت الله يعيد الفقر إن أطعت الله ويقول إنك لن تستغني إلا بالمعصية ولن تعيش إلا بالفحشاء فإذا أردت أن تعيش وتتمتع فعليك بسبيل أهل الفحش وعليك بالرشوة وعليك بالغش وعليك بالخيانة وعليك بالربا وعليك بالسرقة وعليك ببيع المخدرات وعليك وعليك وعليك الشيطان تبرمي لا pauvreté. Si tu oublies Allah, tu vas devenir pauvre. Si tu veux être riche et tu veux être sain, il faut que tu sois désobéissant, que tu vives dans le blâmable. Si tu veux avoir une bonne vie et prendre les plaisirs par les deux bouts, hein, et brûler la chandelle des deux bouts, il faut que tu vendes de la drogue, Hein? Il faut que tu prennes les pots de vin, il faut que tu voles, il faut que tu trahis, il faut. Et on voit à perpète les oies. يقول الناس يقول لك الشيطان الناس كلهم يعيشون هكذا في هذه الأزمان الناس يعيشون في الربا الناس يعيشون بالسرقة ولا تستطيع العيش إلا إذا فعلت مثله يجيروا كلمة tous les gens ils font comme ça tu ne peux pas faire autrement tous les gens font des crédits hein tous les gens vivent comme ça comment tu veux faire tu veux pas tout seul hein si الشيطان vient à l'islam الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويهون على الناس بإيحاءاته لهم كل الناس يفعلون هذا أتجعل لنفسك طريقا واحدا أنت خير من كل هؤلاء الملايين وكل الناس يفعلون ما ترى فيزين أكل المال بالباطل ويزين السرقة والرشوة والخيانة. Donc, فان الله عز وجل الشيطان il vient, il promet quoi? La pauvreté. Si tu oublies Allah, tu vas devenir pauvre. Il t'ordonne à faire le blâmable. Et il rend les situations, la désobéissance très faible à tes yeux. N'auront rien du tout. Et avec ses insinuations, il te fait transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas prendre en considération la dureté de la désobéissance. Il te fait des insinuations. Il vient et te voit, tous les gens sont dans la même situation. Tous les gens vivent avec le crédit. Toi, tu vas prendre un chemin tout seul. Tu vas être marginal par rapport à ton milieu, à ton entourage. Hein? Tous les gens vivent avec le haram. C'est la société comme ça. Le monde a changé, le temps il est comme ça. Et donc, il t'embellit la situation. Et la personne tombe dans les pots de vin, dans la drogue, dans le vol, n'importe quoi. كل هذه الأمور يقع فيها الإنسان بحجة أن كل الناس يفعلون هذا بإيحاء من الشيطان. Tout ça, il va tomber dans ce blâme. Pourquoi? Parce que le Shaitan lui a insinué. Tous les gens font comme ça. Et il va tomber dedans, il va suivre. والله عز وجل يعدكم الفضل والمغفرة أما الشيطان فيخلف الوعد وهو القائل كما حكى لنا ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فهو الذي يقر بأنه يخلف الميعاد وكذلك قال العز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ما إني أتني ابتسام أنا ماذا أنا خايف من الله تضرك دار وصلة العافية الله عز وجل nous promet les bienfaits et le pardon et les grands bienfaits quant à الشيطان il ne tient pas sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du shaitan ainsi. Shaitan a dit quand la situation a été décrite, on est arrivé au but. Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait une promesse véridique. Et moi je vous ai fait une promesse et je n'ai pas tenu ma promesse. Ainsi parle shaitan. Le jour de la résurrection. Le jour où ça y est, on est arrivé à le châtiment. Je vous ai promis, je n'ai pas tenu ma promesse. C'est lui-même qui confirme qu'il ne tient pas sa promesse. Hein? Continue le Coran, médite pour que tu ne tombes pas dans ses filets. Hein? Et il est dit aussi, comme l'exemple d'un shaitan qui a dit à l'être humain, mécrois, sois mécréant. Et quand shaitan, l'être humain est devenu mécréant, quand ils sont arrivés devant la réalité, je te dis à vous, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Ils le disent à vous dans ces cas-là. Je te dis à vous, moi je crains le Seigneur des mondes. فالشيطان لا وعد له ولذلك يضيع أولياءه فعندما يطيع الإنسان يخذله في الدنيا قبل الآخرة يوقعه في الحرام ثم يتركه يتجرع مرارة الحرام ولا يساعده لأنه أصلا يريد أن يخفيه وَنُدِلَّ كَمَا أَدَلَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِتَكَبُّرِهِ وَمَعْصِيَتِهِ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فالدلة والصغار والهوان على من خالف دين الله ومن اتبع الشيطان. فلنحذر ولا نغتر بوعود الشيطان وغروره، وعلينا بالثقة بوعود الرحمن عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده عز وجل. الله عز وجل الشيطان لا بروميس، الشيطان في بيرت سيز الي اي لي رامين الوغ بيرت كونت ليتر هيومان اوبيا الشيطان ها لي في دي مال نو سو دافون دافون لو دولا اي لو في تومبي دون الحرام اي لو ليس سوفرير انتيريرمون تو سول اي لو ليس دون سو مال اي دون سي perturbation psychologique, alors qu'il l'a jeté au fin fond des haram, il ne l'aide plus, parce qu'à l'origine, il veut le mal pour l'être humain. Il veut avilir l'être humain. Il veut le rendre au plus bas degré. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu, a rendu Shaitan le plus bas degré parce qu'il s'est énorgueilli. Il a désobéi Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de se prosterner pour Adam, qui prend sa revanche. Et il est dit dans le verset, ceux qui prennent un autre chemin et qui prennent une autre voie que la voie d'Allah et de son message, ceux-là seront les rabaissés et seront au plus bas degré. Donc le rabaissement et l'abilissement, il est pour celui qui est en divergence avec la religion d'Allah. Il n'est jamais avec celui qui a compris qu'il est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire très attention. Qu'on ne se fasse pas avoir avec les promesses des shaitans, qu'on ne se fasse pas avoir par les insinuations des shaitans. Il faut que nous renforçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, ses promesses, il les tient. Ils sont tenus par Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa rabbil ashlalim, nabzakani wa iyaakum liyaqim. وصحة الثقة بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.